prends le tour de vie, c'est qu'on est le ghetto Miami. Je fais le tour du 23, ouais. Un cellule à 23, ouais. Je m'en bats les qui m'aiment pas, ouais. Faut pas rater la ra, ouais. Ça fume le canard, nanana. Ça m'écoute au Mexique ou ma bella. Chapeau de Spike cramé, cette année ma belle on se marie là. Mon pote en cellule à gamberger. J'appuie sur le cric, j'vais démarrer. J'vais démarrer. Que des gorilles choca. On sort le AK. Moi j'm'emballe avec de l'orphatec. J'fais le salaire AK.